Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigore, éditeur, 1913. Quatrième semaine, premier jour. Première contemplation, comment Jésus-Christ, notre Seigneur, apparut à Notre-Dame. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude à l'histoire de la contemplation. Ici, je me rappellerai comment, Jésus ayant rendu le dernier soupir sur la croix, son corps resta séparé de son âme, sans cesser d'être uni à la divinité, comment son âme bienheureuse, unie aussi à la divinité, descendit aux enfers, délivra les âmes des justes et revint au sépulcre, comment, enfin, le Sauveur, étant ressuscité, apparut en corps et en âme à sa mère bénie. Note. Si l'on se borne pour ce premier exercice à ce qui en est rapporté dans la série des mystères, le sujet pourra paraître stérile, mais, si l'on considère attentivement ce prélude, on y découvrira une matière abondante à la contemplation, dans la considération des personnes, de leurs paroles intérieures et extérieures, de leurs actions. Note. Son âme bienheureuse. Épithète parfaitement juste à cause de la circonstance. Ce ne fut qu'au moment où l'âme de Jésus-Christ se trouva séparée de son corps qu'elle commença à jouir de la béatitude pleine et intérieure qui lui était due, car quoique la béatitude, en vertu de l'union hypostatique, fut véritablement dû, comme un bien propre, au corps et à l'âme du Sauveur, cependant son corps mortel fut dans un sens très véritable, surtout pendant la passion, la prison de son âme. Première semaine, premier exercice, premier prélude. Elle en sort, et la mort est suivie immédiatement pour elle de la possession pleine et parfaite de la gloire. Ces signes dans le ciel, ces tremblements de terre qui suivirent le dernier soupir du Fils de Dieu, ne furent donc pas moins des trophées de son triomphe, que l'expression du deuil des créatures pleurant la mort du Rédempteur. Note. Les âmes des justes. En ce moment, le Sauveur du monde les fait participer toutes et chacune en particulier à son triomphe et à sa gloire, autant qu'elles ont participé pendant leur vie à ses travaux. Règne de Jésus-Christ. Que d'actions héroïques, que d'exemples de patience et de courage, qui méritèrent aux patriarches et aux prophètes le titre glorieux de figure du Messie, reçoivent aujourd'hui de Jésus triomphateur leur récompense. Mais que dire de la Vierge Mère, plus que tout autre, elle participa aux travaux et aux douleurs de son divin Fils. Pour Marie donc, et pour les âmes de tous les justes, quelle source abondante de consolation et de bonheur. Voyez le cinquième point. Fin de la note. Le second est la composition de lieu. Dans la contemplation présente, je me représenterai la disposition du Saint-Sépulcre et la maison où se trouve Notre-Dame, considérant en particulier les appartements qui la composaient spécialement la chambre et l'oratoire de la Mère du Sauveur. Le troisième est la demande de ce que l'on veut obtenir. Dans cet exercice, je demanderai la grâce de ressentir une vive allégresse et une joie intense de la gloire et de la joie immense de Jésus-Christ, notre Seigneur. Note. De ressentir une vive allégresse. Textuellement, la grâce d'être dans l'allégresse, et de me réjouir d'une manière intense de tant de gloire et de joie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Remarquons la grâce que nous devons demander dans ce prélude, celle d'être dans l'allégresse, et de nous réjouir extrêmement. De quel bonheur? De la gloire et de la joie de notre Seigneur ressuscité. Contemplons Jésus-Christ, notre chef, notre roi, notre bienfaiteur, notre Père couronné de gloire et inondé d'une joie ineffable. La véritable cause de notre joie doit être notre amour pour lui, amour pur, amour saint, qui est le fruit spécial de cette dernière semaine des exercices. En effet, la contemplation de notre roi, victorieux de ses ennemis, et se montrant à nous dans ce mystère, tel qu'il est, la gloire du genre humain, n'est-elle pas un puissant motif pour faire naître et augmenter dans notre esprit son estime, pour allumer de plus en plus dans nos cœurs son amour, et, avec l'estime et l'amour de Jésus, l'estime et l'amour de sa croix, cause de son triomphe et de sa gloire. Cet amour de Jésus-Christ, que nous venons de signaler comme le fruit spécial de cette semaine, n'est donc pas un sentiment stérile, rien, au contraire, de plus efficace pour nous confirmer dans la résolution que nous avons prise de le suivre et de l'imiter, pour nous exciter surtout à la joie dans les travaux et les souffrances de cette vie mortelle, à l'exemple et pour l'amour de celui qui a souffert et qui est mort pour nous. Ces mystères glorieux peuvent donc et doivent sans doute fortifier notre faiblesse, en nous donnant l'espérance de voir un jour se vérifier dans ses membres ce qui s'accomplit aujourd'hui dans notre chef, mais il nous commande surtout de nous réjouir de la gloire de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ lui-même, nous oubliant en quelque sorte un instant nous-mêmes et notre propre bonheur. Si nous nous conformons à cette doctrine, les travaux et les peines par lesquelles Dieu veut assez souvent que nous soyons éprouvés, lors même que nous sommes tout entiers aux exercices de cette quatrième semaine, ce qui arrive quelquefois même aux âmes les plus saintes dans les fêtes de l'année les plus touchantes et les plus solennelles, ne pourront nuire en aucune sorte aux fruits solides de ces contemplations. La gloire et la joie de Jésus-Christ sont au-dessus des vicissitudes de ce monde, et la joie que nous retirons de cette gloire et de cette joie participe à sa cause, elle est inaccessible aux troubles, elle est inaltérable. C'est alors que nous pouvons penser et dire « Le temps de me réjouir de mon propre bonheur n'est pas encore venu ». Mais il me suffit que mon chef et mon roi soient en possession de sa joie et de sa gloire. Ce sentiment d'une âme désintéressée, l'Église l'exprime dans le Cantique des Anges, où elle dit en termes sublimes « Nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire ». Ce qui est véritablement et proprement se réjouir dans le Seigneur. Tel, nous devons le croire, fut la joie de Marie dans la résurrection de son divin Fils, et, après l'ascension du Sauveur, la seule pensée de la gloire et de la joie dont il jouissait au ciel répandait dans l'âme de cette Sainte Mère des consolations abondantes, et l'aidait à supporter avec courage les privations longues et pénibles de son exil. Fin de la note. Le premier, le second et le troisième point seront les mêmes que dans la contemplation de la scène. Dans le quatrième, je considérerai comment la divinité, qui semblait se cacher dans la passion, paraît et se manifeste dans la résurrection par des effets de puissance et de sainteté qui n'appartiennent qu'à elle. Dans le cinquième, je considérerai comment notre Seigneur Jésus-Christ exerce auprès des siens l'office de consolateur, le comparant à un ami qui console ses amis. Note. L'office de consolateur. Jésus ressuscité console tous les siens, et par sa propre gloire dont ils se réjouissent plus que de leur bonheur, et par la félicité dont il leur donne ou la possession, comme au juste et au patriarche dans les limbes, ou l'espérance, comme à sa très sainte mère, à ses disciples, et, en leur personne, à chacun de nous. Il nous est donc permis de nous réjouir dans notre exil, pour Jésus-Christ, parce qu'il est dans la gloire, pour nous-mêmes, parce que nos cœurs nourrissent l'espérance de la partager un jour. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit l'apôtre, et que le motif de votre joie soit votre espérance. Fin de la note. Je terminerai par un ou plusieurs colloques conformes au sujet de la contemplation, et je réciterai l'oraison dominicale. Note. L'oraison dominicale. Saint Ignace, il est vrai, ne prescrit ici que l'oraison dominicale. Serait-il nécessaire de faire observer que l'on peut adresser à la très sainte Vierge dont on a contemplé le bonheur dans ce mystère, la prière de l'Église, Regina Coeli, d'autant plus que l'auteur des exercices permet de terminer cette contemplation par un ou plusieurs colloques. Fin de la note. Remarque. Première remarque. Dans les contemplations suivantes, on parcourt à tous les mystères glorieux depuis la résurrection jusqu'à l'ascension inclusivement, dans l'ordre marqué à la série des mystères, en gardant la même méthode que dans la semaine de la Passion. Cette première contemplation servira de modèle pour les autres, les préludes seront en rapport avec le sujet de la contemplation, les cinq points seront toujours les mêmes, ainsi que les additions, telle qu'elle se trouve dans la quatrième remarque. Quant aux répétitions, aux applications des sens, à la manière d'abréger ou de prolonger le temps que l'on veut consacrer à la contemplation des mystères de cette semaine, on peut faire tout ce qui a été dit dans la semaine de la Passion. Deuxième remarque. Communément parlant, c'est dans cette quatrième semaine, plutôt que dans les trois précédentes, que l'on peut se contenter de faire quatre exercices au lieu de cinq, le premier, immédiatement après le lever, le second, à l'heure de la messe ou avant le dîner, au lieu de la première répétition, le troisième à l'heure des vêpres, au lieu de la seconde répétition, le quatrième, qui sera une application des sens sur les trois exercices du jour, avant le souper. On remarquera toujours les endroits les plus importants, qui auront excité en nous de plus vives émotions intérieures, qui nous auront fait éprouver plus de goût spirituel, et l'on s'y arrêtera davantage. Note. De plus vives émotions intérieures et plus de goût spirituel. Lorsque Saint Ignace parle dans les semaines précédentes de répétition, il renvoie toujours au troisième exercice de la première semaine, où il entrace la méthode. Ici, il se contente de dire qu'il faut s'arrêter aux endroits où l'on aura ressenti de plus grands mouvements intérieurs, et plus de goût spirituel, sans parler des endroits où l'on aurait éprouvé des peines intérieures, de la désolation. Pourquoi cette différence? Peut-être a-t-il jugé que le travail pénible de chercher ce que nous désirons, comme en creusant la terre, afin de trouver une source d'eau vive, convenait moins à cette semaine dans laquelle il nous invite à jouir suavement ou à profiter des consolations qui se présenteront d'elles-mêmes, ou plutôt à nous livrer à ce goût spirituel, qui n'est pas toujours sensible, de l'âme recueillie en la présence de son Créateur. Peut-être encore regarde-t-il comme bien difficile qu'au milieu de ces mystères de gloire, la désolation puisse entrer dans une âme qui vient les contempler avec la disposition convenable après trois semaines entières consacrées aux exercices qui les précèdent. Fin de la note. Troisième remarque. Quoique dans toutes les contemplations, on ait déterminé le nombre des points, par exemple, 3, 5, etc., celui qui fait les exercices n'en a pas moins la liberté de les augmenter ou de les diminuer, selon qu'il le trouvera plus avantageux. Pour cela, il lui sera très utile, avant de commencer une contemplation, de prévoir et de fixer en nombre certains les points qui doivent la partager. Note. Celui qui fait les exercices, ou textuellement la personne qui contemple, Peut-être parce que cette remarque est également utile à ceux qui s'adonnent à la contemplation, soit dans le temps des exercices, soit hors de ce temps. La même remarque peut s'appliquer au mystère de la seconde et de la troisième semaine, comme à ceux de la quatrième. Note. En nombre certain. Il faut prévoir et fixer le nombre des points de la contemplation, déterminer, autant que possible, le fruit spécial que l'on doit en retirer. C'est dans ce travail que consiste l'exercice du soir, appelé préparation de la méditation. Fin de la note. Quatrième remarque. Dans cette semaine, on modifiera de la manière suivante la deuxième, la sixième, la septième et la dernière des 10 additions. Deuxième addition. Aussitôt que je me réveillerai, je me mettrai devant les yeux le sujet de la contemplation que je vais faire, avec le désir de me réjouir et de me pénétrer de la joie immense et de la vive allégresse que ressent notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Sixième addition. Je rappellerai à ma mémoire des pensées capables de faire naître dans mon cœur le contentement, la joie et l'allégresse spirituelle, comme serait la gloire du ciel. Septième addition. Je profiterai de la clarté du jour au désagrément de la saison, comme de la fraîcheur en été, et en hiver de la chaleur du soleil ou de celle du feu, autant que par ce moyen mon âme pourra céder à se réjouir en son Créateur et en son Rédempteur. Note. En été. Le mot espagnol verano signifie à la fois l'été et le printemps, et embrasse tout le temps qui s'écoule depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. De la fraîcheur, du soir et du matin, de l'aspect riant des prairies, du parfum des fleurs, l'ancienne version MS traduit, des objets beaux et agréables. Mais remarquons les paroles qui suivent. En tant que l'âme pense que cela peut l'aider. Souvenons-nous que ces objets ne sont que des moyens, et que les moyens doivent nous conduire à notre fin, que nous ne devons les employer qu'autant qu'ils doivent nous servir à obtenir notre fin, et pas davantage. Il faut que la règle prescrite par la méditation fondamentale soit partout et toujours en vigueur. Considérons aussi la fin que nous devons nous proposer dans cette semaine, pour nous réjouir en notre Créateur et Rédempteur. Loin de nous, surtout en ce moment, tout autre motif de joie. Nous touchons à la fin des exercices, n'aspirons pas au repos, comme si nous touchions à la fin d'un long et pénible voyage. On ne saurait exprimer combien ce sentiment trop naturel et trop humain a été funeste à l'imprudence de plusieurs. Dans ces derniers jours où ils auraient dû redoubler de ferveur, ils se sont laissés aller au relâchement et à la tiédeur, ils ont commencé à perdre de vue ces pensées, ces mouvements salutaires qu'ils avaient conçus avec le secours de la grâce, non sans travail, dans les exercices précédents. Mal funeste, mal destructif de toute perfection chrétienne et religieuse, et qu'il est si difficile de réparer. Nota. Ce qui suit, c'est-à-dire la contemplation pour obtenir l'amour divin, et les trois manières de prier, doit être regardé, d'après l'autographe, comme en dehors des quatre semaines des exercices. Car, après les 20 annotations, on lit constamment dans l'autographe au haut de chaque page, première semaine, seconde semaine, troisième semaine, quatrième semaine, ce que nous avons suivi dans cette traduction. Mais, à la contemplation de l'amour divin, le titre de quatrième semaine disparaît, et n'est plus répété dans la suite. Cependant, ce n'est pas à tort que l'on a coutume de donner cette contemplation à la fin de la quatrième semaine, comme la conclusion et le couronnement des exercices. On peut même assurer que nulle part elle ne trouvait plus convenablement sa place, et que dans aucun temps peut-être elle ne pourrait se faire avec plus d'avantages et plus de fruits. L'amour de Dieu, tel qu'il est enseigné dans cette contemplation, est le point le plus élevé et le terme le plus avancé de la perfection de cette vie. Elle devait donc être précédée de la méditation de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, et Jésus seul, est la voie qui nous conduit à Dieu et à son amour. Personne ne vient à mon Père, si ce n'est par moi, je suis la porte, je suis la voie. Et comme nous ne pouvons arriver à Jésus que nos péchés, avant tout, ne soient effacés, que nos passions ne soient soumises et réglées, cette réforme a dû être nécessairement le premier de nos soins, et l'œuvre de la première semaine des exercices, car ce serait en vain que l'on aspirerait à l'amour, si l'on avait commencé par s'exercer courageusement à l'abnégation de soi-même. La voie que l'on a suivie est donc la voie droite, la voie véritable, pour parvenir enfin au terme si désirable de l'amour divin. La doctrine de cette contemplation correspond parfaitement à celle de la méditation fondamentale, qui est la première des exercices, avec cette différence que la méditation fondamentale est censée donner à ceux qui commencent Saint Ignace n'y parlent pas même de cette perfection de l'amour de Dieu. Ils se contentent d'exposer que l'homme est créé pour louer, honorer et servir son Créateur, et de disposer l'esprit de celui qui entreprend les exercices à éloigner les obstacles qui pourraient s'opposer à cette fin. Mais dans cette contemplation de l'amour de Dieu, qui est pour les âmes pures et exercées, il passe à ce qu'il y a de plus relevé et de plus parfait dans la louange, le respect et le service que nous devons rendre à la Divine Majesté. Le Directoire, chapitre 36, numéro 2, indique deux manières de faire cette contemplation. La première est de la commencer dès le second jour de la quatrième semaine, et d'y employer chaque jour une heure ou deux en continuant la contemplation des mystères de la résurrection, à peu près comme il a été dit dans la seconde semaine en parlant de l'élection. La seconde est de consacrer à ce sujet un jour entier ou deux après avoir terminé les mystères glorieux. Fin de la note. Dixième addition. Au lieu de m'adonner à la pénitence, je viserai à garder la tempérance et à tenir le milieu en toutes choses, à moins qu'il ne se rencontre des jeûnes de précepte, des abstinences commandées par l'Église, car ceux-ci doivent toujours s'observer, lorsqu'il n'y a pas d'empêchement légitime. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.